bon accord, non ? J'improvise. J'ai un truc qui vient dans la tête. Champs-Élysées, ça, non ? Formidable, formidable. Avec Michel, tout le monde est gentil, tout le monde est beau.